さあ、深く呼吸をしてください。 Participation à une nouvelle culture radiophonique. Madame. Et là-haut, le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Bonsoir à tous. Salut à tous Alex, salut Fabrice, bienvenue dans le Beau Bizarre pour une émission ce soir consacrée à la politique, puisque vous le savez chers auditeurs, le Beau Bizarre est une émission d'actualité et donc on devait être ce soir dans le coup puisque la campagne présidentielle bat son plein. Les commentateurs ce soir donc Fabrice qui je crois est revenu en pleine forme de son absence prolongée. Je suis revenu spécialement pour cette émission. et je repars demain. Cette émission politique, et oui, je repars demain, bien sûr. Pour demain, non, j'aurais bien aimé être là, notamment pour l'émission consacrée aux voix hors normes. On en refera une autre pour toi. On en refera une, oui. Il faudra en oui. faire une parce oui. qu'il y a eu quelques oublis quand même qui étaient assez. Mais on s'en doute, on comptait sur ça. C'est injuste, hein, franchement. Inévitable. On savait que tu les passerais justement, donc voilà. Ça sera pour la prochaine. On les a pas programmés parce qu'on pensait que tu allais les programmer. Ouais. Bon, alors on va commencer tout de suite par un des habitués de l'émission, puisque je le programme régulièrement. Hein. Il s'agit d'Abdelmalik avec le morceau Le Grand Frère, qui est un morceau assez relativiste, puisqu'en fait, on va voir que le misérable du pays d'accueil est considéré comme un anti dans son pays d'origine. Dans Le Grand Frère, Abdelmalik, qui est issu de la cité du Neuhof à Strasbourg, évoque aussi l'attentat du DC-10 d'UTA dans une chute amère. À noter aussi que ce morceau sample un extrait de Sea Line Woman de Nina Simone. Voici Le Grand Frère de Abdelmalik sur l'album Gibraltar. Hier, Hubert a pris l'avion. Hubert, c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est important d'avoir un frère, surtout un grand frère. Ça fait 3 ans qu'il part chaque été au pays. Il aide comme il peut là-bas, c'est la misère. Surtout qu'on a toujours envie de montrer qu'on est bien ici, on entretient le mythe. Hubert, c'est un homme, il leur dit. Vous savez, en France, la misère, ça existe. Mais ils veulent pas le croire. Ils disent, tu veux pas qu'on vienne, c'est ça. Lui, il comprend leur attitude. Il leur dit juste comment ça se passe quoi. Parce que si on veut changer le monde, c'est de chez soi qu'il faut le faire. Mais au pays on lui répond, t'es un blanc maintenant. Ça se voit que tu connais pas la misère. Hier Hubert a pris l'avion. Hubert c'est mon frère qui rentre à la maison. En fait c'est mon cousin mais je dis que c'est mon frère. Parce que dans la cité quand t'as un grand frère ça t'évite plein de galères. Surtout quand il est bœuf comme ça. Parce que les mecs en bas y'a que la force qui respecte. Lui c'est un homme et moi je suis un gosse. Enfin, disons que de plus que moi, il a au moins 3 têtes. Et puis c'est pas tout, moi je déconne et pas lui. Il me fait pas la leçon ou quoi, mais j'ai honte devant lui. Parce qu'avec le physique qu'il a et la crainte qu'il inspire, il pourrait facilement être braqueur, dealer, je sais pas moi, ou voleur à la tire. Mais lui non, il est sérieux, il étudie. Hier Hubert a pris l'avion. Hubert c'est mon frère qui rentre à la maison. C'est vrai que c'est bien d'avoir un grand frère. À l'aéroport on l'a vu, un gaillard comme ça, ça se loupe pas frère. Pourtant il paraît qu'il a failli louper cet avion. Ce drôle d'avion. Il voudrait faire de grandes choses dans l'avenir. Avoir son diplôme, bosser dur pour tous de la cité nous faire sortir. Mais il l'a pris cet avion. Ce DC-10 du TA pour ceux qui aiment les précisions. Ce celui qui a explosé au-dessus du désert du Ténérife. Hubert a pris l'avion, mais il n'est jamais rentré. Je pourrais dire qu'il n'y a pas encore été dit, rien d'inédit, à part que j'ai toujours une lame dans mon teddy. Cam, sexe, fléau, époque, latex, stéréo, vortex, mon rap, pléo, mec, qu'on annexe le très haut. Pénis, mon âme, je plane mon cortex, mes idéaux vexent. La femme, le port, évolution, radio et vidéo, texte. Rodéo avec la justice, théo d'une vie complexe en VO. Mon clan pour niquer l'armistice, les méos. Parfum, lume, les néons, brûle les néo-nazis. Créons un front pour laver la front choisie. De pas trop canner, au panthéon des damnés. Solution, tu peux coffrer un révolutionnaire, mais pas la révolution cramée. Une boulangerie, ça met en chien qu'un boulanger. Faut changer, histoire ranger les grenailles. Mettre les porcs en danger, bataille rangée. Racaille, conflit, caille, enragé, représailles. Rafale de trajet, chargé à bloc, les cloques. Nous engager, je braille, ma haine avec une pensée. Pour les défunts, l'espoir fait vivre. Mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Suivre son instinct, survivre au chaos. C'est un de mes chaos, QG, jugé à la grue, je sais. Mais seul je peux juger nos chaos, juger le danger. Mon rap c'est du vécu, faut pas se tromper de cible. Seuls les plus convaincus ont vaincu le moins sensible, l'unité. Cousin, faut que tu saches qu'on n'enlève pas une mouche sur le front de son frère avec une hache. Cousin, autour d'une même cause, un même but. Buter les putes à coups de grosse brute, à fut des Babylone, chute. Futé au moins futé, dans la danse, en avoir dans le fut. Shooter pour buter leur putain de défense. Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire de ses liens en fer, étouffer l'enfer. Et j'ai tout fait, j'ai plus le temps de m'en faire, pleurer sur mon sort en clair. J'ai bouffé le tonnerre, ma bouche recrache l'éclair. Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire de ses liens en fer, étouffer l'enfer. Et j'ai tout fait, j'ai plus le temps de m'en faire, pleurer sur mon sort en clair. J'ai bouffé le tonnerre, ma bouche recrache l'éclair. Ils veulent, c'est qu'on se part en couille. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir seuls entre quatre planches. Sur la gueule, un linceul. Ils veulent qu'on flanche, penche du mauvais côté. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir à genoux, péter les plombs, qu'on se flingue entre nous. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir vil, sans cervelle, cerbère en ville, nous voir servile. Ignorant et docile, observe. Ils veulent briser nos rêves, briser la lampe. Dans la nuit où le malin campe, t'as mis tout seul le canon sur ta tente. Je tremble. Mon but en poison, ça fait du rap mortel à foison. Nique leur blason, rage immortelle, ma technique écrasant. Mes phrases embrasent le beat, nos phases invitent à foutre le boxon. Tous ceux qui à notre époque sont grillés, nous boxons. Avec les mots au box, les accusés faut ruser. Jouer les marches grisées, c'est usé, faut user. Sa tête comme d'un usé, oser fusiller pour qu'on bousille. Leur vie assez amusée, la galerie abusée. Trop de beaux discours, c'est bon, on a déjà tout dit. On sait qu'on court toujours après des miettes dans nos botonies. Trop de couteaux, coupe pas dans nos textes couteaux. Coupeau, carré, afro, zéra, de grands ou couteaux. De rentrer dans des délires, délire de nouveaux champions. Le choix ne t'a pas été donné, bienvenue au sixième chaudron. Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire. Mais c'est bien en faire, étouffer l'enfer. Et j'ai tout fait, j'ai plus le temps de m'en faire. Pleurer sur mon sort en clair, j'ai bouffé le tonnerre, ma bouche recrache l'éclair. Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire. Mais c'est bien en faire, étouffer l'enfer. Et j'ai tout fait, j'ai plus le temps de m'en faire. Pleurer sur mon sort en clair. J'ai bouffé, je tonnerre, ma bouche recrache l'éclair. La voix, les malheurs s'envoient. Dans ce trou à rein, un chou à rat de micro, il se met à l'heure les accros. MZ 24, Cara, à cran les gros, à serrer. J'évite les accros, voir grand et penser grand, opéré. En synchro, on mise gros, on écrit pour rap, ça et négro. Blanc, jaune, écrit, on est trop. Aïe qui écrit, donc je décris la métro. Pour l'écrit, vengeance pour ceux qui ont garni la rubrique nécro. Logique, mes rimes sont coupées à la nitro. On me dit que c'est rétro. De parler d'unité dans le rap, paraît-il. Imiter les carrés, jouer les tarés, paraît plus facile. Je sais d'où je viens. Je sais qui m'en veut, je sais que le bien est plus difficile à faire que le mal dans leur jeu. La connerie, c'est comme le feu, faut l'étouffer avant qu'elle nous consume. Je lâche une bombe et j'assume les dégâts, exhume la hache, fume le beat, ça va saigner. Les derniers seront les premiers à régner. Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire. Laisser le lien en fer, étouffer l'enfer. Et j'ai tout fait, j'ai plus le temps de m'en faire, pleurer sur mon sort en clair. J'ai bouffé le tonnerre, ma bouche recrache l'éclair. Ce monde est ainsi fait, mais s'il faut s'y faire, autant qu'il fait se défaire. De ses liens en fer, étouffer l'enfer. Et j'ai tout fait, j'ai plus le temps de m'en faire, pleurer sur mon sort en clair. J'ai bouffé le tonnerre, ma bouche recrache l'éclair. Jour de tonnerre de Arsenic, un morceau qui pourrait illustrer un aphorisme de Machiavel, là où la volonté augmente et les difficultés diminuent, ce qui se traduit dans la prose de Lino et Calbo par « J'ai bouffé le tonnerre, ma bouche recrache l'éclair ». Arsenic est un duo originaire de Villiers-le-Bel, composé de deux frères d'origine congolaise. À noter que quelques gouttes suffisent, leur album dont est tiré ce titre est sorti en 1998 et c'est leur premier album. C'est une réussite artistique et commerciale puisque cet album a quand même été double disque d'or. Je passe maintenant la parole à Fabrice. Oui, on va enchaîner avec quelque chose assez loin de Machiavel. Bon, pourquoi ? Parce que le texte est quand même assez nul, mais bon, on est dans le propos. On Machiavel ? Est dans... Non. Non, pas Machiavel. la chanson qu'on va écouter, Hot Gossip, du Blues Explosion, tirée de leur dernier album, leur dernier véritable album d'il y a 8 ans, Damage. Donc c'est un morceau qui nous parle, un morceau musicalement qui est très, très sympathique, avec Chuck D de Public Enemy en featuring prestigieux. Et voilà, c'est un morceau politique qui n'exalte rien du tout, mais qui dénonce plutôt les mensonges de George Bush, puisqu'en 2004, c'était pas loin après la fameuse intox sur les armes de destruction massive, et ça a un peu énervé John Spencer. Baby, what you gonna do? There's a war going on now, and they blame it on you and me. Talk about safety, freedom, democracy. I don't believe them. You know, if they want my vote, they got to try a little bit more harder. You can't talk peace when you're making war. Too much of this hot gossip. Something going on, a riot going on. To the crack of dawn, a going, going, going. We got to get down, damn. Right now. Get on up and shut this shit down. Shut down. It's much more than black and blue. It's death and destruction. And how much does it cost? Burning up the roof, you're lying on the truth. You got to die. Shit got a fool of you. So who the hell is you to tell them what to do? I'm not backing a bit of what you have a fit. You hot gossip. I hear you talking loud. Can you hear me now? Can't hear you now. You try to sell us out. What is that about? Or try to blow us up. Government, what's up? Running people down the dust, God you trust. You say you do my bus, so we gotta fuss. Hot gossip, we ain't gotta sip. You ain't gonna trip. What you coming with? What you coming with? I got the blues, all right. I feel so bad. Bad. People, we got to get all up. We gotta get up and shut this down. Bass. 'Cause it ain't right. And I know, when they roll, that there's something better out there. Tell them in the song. 'Cause baby, I love you. And see the sky outside open up. And everything turn blue. Blues. So bad. What?

le temps d'une date cet été, et oui, pour une date live avec en invité surprise Françoise Lebrun. Françoise Lebrun qui jouait dans le film de Jean Eustache, La maman et la putain. Et la putain, et qui est venue faire sur scène reprendre le morceau La maman et la putain de Diabolo Gomme, qui était tiré du film de Jean Eustache. Superbe morceau d'ailleurs. Superbe morceau, ouais. Voilà. Alors il paraît que la prestation live, moi j'étais pas, mais il paraît que c'était très intense. Alors moi je veux bien les croire parce que j'avais vu Diabolo Gomme à l'époque de leur troisième album, et j'ai rarement vu un concert comme ça où en fait personne n'applaudit. Non pas parce que le spectacle est mauvais, mais parce que tout le monde est complètement paralysé, anesthésié, paralysé et complètement sous l'emprise du groupe. C'est quand même quelque chose d'assez rare pour être signalé, ouais, tout à fait. Au niveau actualité, il se passe toujours des choses. Hein. Michel Clou vient de sortir un album solo. Enfin, c'était l'été 2011. Hein, ça commence. Notre silence, c'est ça, je crois. Ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Oui, avec le batteur de son groupe Expérience. Et Arnaud Wichniak a lui aussi sorti à peu près à la même période un nouvel album avec sa formation Programme. Voilà. On vous le passera sans doute, un de ces quatre. Et bien là on va faire cap sur Détroit avec le collectif Underground Resistance, formé à la fin des années 80 par Jeff Mills et Mad Mike Banks. Ils seront rejoints d'ailleurs un peu plus tard par Robert Hood. L'électro proposé par Underground Resistance, c'est souvent caractérisé par une approche assez, on va dire, militante, proche un petit peu de l'esprit des Black Panther des années 70. Le morceau qu'on va entendre là s'appelle Fuck the Major, c'était la sortie numéro 23 du label. Et comme sur la plupart de leurs singles, on peut retrouver gravé sur chaque face des petits messages à destination des auditeurs. Alors là, il s'agira pour la face A du message juste Fuck the Major, puisque la politique que défend Underground Resistance est une politique purement anticommerciale, dégagée de tout rapport avec les majors de l'industrie du disque. Et sur la face B, une autre phrase qui est un message à tous les policiers de la police de Détroit. Message to all murderers on the Detroit Police Force. Nous vous verrons en enfer. Et le morceau est dédié à Malice Green, qui est un jeune citoyen de Détroit, tué par deux policiers blancs en 1992 à la suite juste d'un simple contrôle d'identité. Et voilà, Underground Resistance va continuer successivement sur tous les maxis suivants à noter comme ça, à faire passer des messages assez forts. Et là, pour la petite curiosité, vous entendrez un sample du groupe de rap EPMD. Voilà, Strictly Underground Funk, Keep the Crossover. C'est parti pour Underground Resistance. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Thank you.

pleasure and clap your hands in time. Come on, everybody, clap your hands. Come on, damn it. Yeah, you got it. Hey, fellas. Hey, fellas. Hey, fellas. Say, right on, Africa, man. Aldo Pino and the Heartbeats avec le morceau Africans Must Unite sur l'album Let's Love Party qui est sorti en 1970. On retrouve aussi sur cet album des morceaux titres évocateurs comme Power to the People ou Let Them Talk. Alors Geraldo Pino, c'est un des précurseurs de l'Afrobeat et Africans Must Unite s'inscrit donc dans le mouvement de décolonisation à un moment où les indépendances des pays d'Afrique noire virent au conflit et aux guerres civiles sanglantes. Et donc l'utopie d'une Afrique unie et libre commence à vraiment battre de l'aile. Et c'est cette utopie que tente de raviver avec un sens du groove hors du commun le Sierra Leone Geraldo Pino, accompagné donc par son groupe The Heartbeats, qui est composé de trois guitares quand même, d'une basse électrique, d'un clavier et d'une batterie. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé, m'a impressionné le jeune Fela à la fin des années 60. Alors on va enchaîner avec un autre grand musicien, Fabrice. Oui, on va enchaîner avec David Allen. David Allen, c'est cet Australien qui est devenu, qui a travaillé avec en Angleterre avec Robert Wyatt notamment, et puis ensuite avec des Français, qui a fondé Gong. Et là, on va écouter justement un album intitulé Banana Moon, qui date de 71, qui a été réédité sous différentes formes, dont une réédition sous le nom de Gong, et pas sous le nom de David Allen. Il a changé la pochette aussi, mais bon, c'est toute une histoire. C'est une sorte de compilation, puisqu'on retrouve des morceaux de différentes époques. Il y a un morceau avec, avec Robert Wyatt, qui date de 68, qui s'appelle Memories, sur cet album. Et là, on va écouter le septième morceau de l'album, qui s'appelle And His Adventures in the Land of Flip, et qui fait écho au titre du sixième morceau de l'album, qui était Stone Innocent Frankenstein, ce qui donne Stone Innocent Frankenstein and His Adventures in the Land of Flip. Et c'est un sorte de long morceau qui dure 12 minutes, une sorte de trip un peu halluciné, où on retrouve quelques éléments de bande son qui évoque mai 68. You would give me 30% of all you made. Season, I ain't God, God said he would reveal. Plus, don't hide it anymore. And he'll take care of it, absolutely. He is going to remove the sun, the S-U-N, from the sky. And all of the stars out of it. And then he's going to be here in a white horse. Thank you. sinks, surf swims, in coffee and brims. Its belly is strange. Belly, belly, belly, belly, belly, belly, strange. But this would do him nicely mostly, though he would have wouldn't know. For there was nothing lost and lost. This is all. Thank you. Voilà, il s'agissait de Flutter de Hottaker, titre composé en réaction au Criminal Justice and Public Order Bill qui visait à supprimer purement et simplement les raves en Angleterre au milieu des années 90. Bon, cette loi n'est finalement pas passée. Tant mieux. Et donc voilà, Sean Booth et Rob Brown du groupe ont composé ce morceau afin qu'il n'y ait aucun beat identique et qu'il puisse être joué aussi bien en 45 qu'en 33 tours. Était précisé aussi au dos de la pochette que si on avait envie de passer ce disque, il valait mieux quand même être accompagné d'un avocat qui puisse attester justement, enfin certifier que aucun beat n'est joué de la même manière deux fois. Voilà, et donc on va ça s'appelle respecter scrupuleusement une règle pour en démontrer l'absurdité. Voilà. On se quitte sur ce titre, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Beau Bizarre. Et n'oubliez pas d'aller sur le blog de l'émission pour y trouver toutes les informations, playlists et podcasts. Salut et à vidéo. Tous. Et vidéos, bien Salut sûr. Salut à tous. Bonsoir. Bonne nuit.